Des délégués de la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée ont fêté leur anniversaire, le Vite-Coron, à l'hôtel 25 avril.